portes étranges, des maisons qui s'allongent, qui s'étirent vers le ciel, des géants à vélo, les yeux pleins de soleil et des mots de partout, partout se mélangent, des réverbères plantés au milieu des bistrots, des femmes aux vitrines parfumées d'aventure, des maisons posées jusque sur les bateaux et des tramways gratuits, touristes qui assurent. J'ai pas de sur Bulldog, ça sent bon le reggae. J'ai pas de sur Bulldog, ça sent bon liberté. Les énergies s'envolent à travers la fumée, tolèrent une sirène au pays de gaieté. J'ai pas de sur Bulldog, ça sent bon le reggae. J'ai pas de sur Bulldog, ça sent bon liberté. Les énergies s'envolent à travers la fumée, tolèrent une sirène au pays. Sentir l'universel, s'enivrer de chaleur. Cueille, cueille, grandir en bougie, libérer tes paradis sous sol, mettre le monde en fleurs. Je prends sur Bulldog, ça sent bon liberté.